Allez Pierrot, ne pleure plus. Allez Pierrot, ne pleure plus. Elle ne pense plus à toi. Oublie-la, prends soin de toi. Allez Pierrot, ne pleure plus. Allez Pierrot, ne pleure plus. Allez Pierrot, ne pleure plus.